besoin. Y'a planté un pot pour y'a kamene ou aller plus bien. Y'a fin boti potage pour y'a kamene ou kaila tonte. Zami qui kwena, zami la vie la la y'a pe liquide. Y'a pe manje à ver ou n'a pe mouen en même ver. Y'a vanou sans papier, y'a bachete ou sans grimpale.